GFM. Auditeur de sur GFM. Michel en votre compagnie pour vous présenter Accordéon Parade. Merci à Benjamin Durafour de nous avoir fait valser, d'avoir ouvert le bal avec une jolie valse musette. Thank you. Merci à Karen Neuville de nous avoir interprété ce passe-double. Karen Neuville qui nous vient de Lons-le-Saunier, ou plutôt de Condamine, sympathique petit village à côté de Lons-le-Saunier. Et toujours à l'écoute des 91 et 91 MHz sur GFM. Et vous êtes en compagnie de Michel qui vous présente Accordéon Parade. Et c'est Angélique qui vient de nous interpréter des Portugaises. Allez, on va continuer avec Sébastien Giroudet qui nous interprète Angèle. We'll be right back. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. C'est le plateau d'accordéoniste. C'est le bonjour de l'accordéon et c'est tous les dimanches de 9h à 10h. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. C'est Michel qui vous propose et qui vous présente l'émission. Et on va continuer écouter Accordéon Parade avec une série de classiques de l'accordéon Indifférence au bas d'oiseau. jeunesse pour enrhumer le long chemin de mon destin. Qu'il est doux le parfum de ma rose d'Alsace. Qu'il est doux le parfum de mon amour défunt. Les années passent pour ma rose d'Alsace, mais moi je pense à toi qui refleuris pour moi comme au jour d'autrefois. D'Alsace, je penserai toujours à ma rose d'amour. Elle a fleuri sur le chemin de ma jeunesse pour embaumer le long chemin de mon destin. Qu'il est doux le parfum de ma rose d'Alsace, qu'il est doux le parfum de mon amour défunt. Les années passent pour ma rose d'Alsace, mais moi je pense à toi qui refleuris pour moi comme au jour d'autrefois. Paris, elle aime ses bruyères, car c'est là qu'elle a grandi, au pied des côtes jolies. Quand la bruyère est fleurie, au flanc des monédières, ils sont loin les soucis qu'ont les gens de Paris. Paris, elle aime ses bruyères, car c'est là qu'elle a grandi, au pied des côtes jolies. Quand la bruyère est fleurie, au flanc des monédières, ils sont loin les soucis qu'ont les gens de Paris. Au flanc des monédières, qu'ils sont loin les soucis qu'ont les gens de Paris. Merci, merci à Jean Ségurel de nous avoir interprété Bruyère corrézienne. Et oui, monsieur Mimile Prudhomme, ce morceau est joli. Et oui, c'est vrai. Et comment... Ah oui, c'est de la tendresse auvergnate, Émile Prudhomme. Merci, merci Monsieur Émile Prudhomme pour ce moment de bonheur. Et merci aussi à Maria Tarantella, avec qui je viens de danser cette valse. En Italie, c'est vrai que l'on ne connaît qu'elle. Elle est jolie, pleine de vie et de douceur. La belle Maria fait danser dans les ruelles. Elle fait tourner les têtes et chavirer les cœurs. Et ses longs cheveux bruns souvent nous ensorcellent. Quand elle s'agite devant nous, c'est le bonheur. Tout le monde ici l'appelle Maria Tarantelle. Aujourd'hui sur la plaza, chantons tous en chœur. Maria Tarantelle, on ferait n'importe quoi pour tes beaux yeux. Maria Tarantelle, tous les garçons d'Italie veulent t'emmener chez eux. Maria Tarantelle, avec toi notre vie brille de mille feux. Chaque jour que Dieu nous donne est une fête qui ne s'arrêtera pas. Thank you. Merci à Ginette, ou plutôt merci à Nono Muller qui vient de nous interpréter une valse de sa composition Ginette. Et puisque je dis merci, eh bien moi, auditrice, auditeur de Sorgia FM, je vous dis merci pour les échos que j'ai eus de dimanche dernier où vous avez été ravis, pas mal de personnes ont été ravies d'avoir 2 heures d'accordéon. Alors je vous dis un grand, grand merci avec Jérôme Robert. Le final, on a le cœur joyeux et les yeux pleins d'étoiles. C'est fou comme on les aime, ces chansons éternelles qui animent le bal. Devant vous, maintenant, dans un refrain chantant, on retrouve ces années, ces printemps éclatants qui arrêtent le temps et qui nous font chanter. Merci, merci pour l'amour et la joie dans les cœurs. Merci, merci, c'est toujours un instant de bonheur. On se reverra dans un jour, dans un mois, dans un an. Qu'importe le temps, ce qui compte, c'est qu'on s'aime vraiment. C'est grâce à vous que l'accordéon vibre à longtemps. On vous dit merci, à bientôt, très bientôt sûrement. Moi, je vous dis aussi un grand merci à vous, auditrices, auditeurs de Sorgia FM, d'écouter les 91 MHz tous les dimanches à 9h pour Accordéon Parade. Merci à vous. Thank you. maintenant, nous allons faire un petit tour à Châtel, retrouver notre ami Marius David et ses Guélurons. Passe par la Corrèze, prends le chemin du bonheur, tu longeras les falaises, tu sentiras en ton cœur que la nature y est belle, car elle a donné le jour à une étoile célèbre,

passez un bon dimanche en triolet et une bonne semaine. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est Michel qui est en votre compagnie pour une heure de détente, une heure de bonne humeur. Et en plus, le soleil. Je pense que vous allez bien. Et savez-vous que cette émission est à tous ceux qu'on aime, Frédéric François. Quelquefois il suffit d'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit à quelqu'un qui espère et qui attend un ami ou un frère, à ceux qu'on perd de vue parce que la vie les a changés de rue. Le temps est un voleur, des amours, un sablier sans cœur. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'il en est temps, encore temps. Quand je pense à ma mère, que j'aurais dû aimer comme une prière, et ton regard de femme qui m'attendrit parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s'évanouit dans l'air. L'amour, celui qu'on donne, est une clé qui fait vivre les hommes. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'il en est temps, encore temps. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants. Simple geste et d'entendre vos voix pour que ma vie s'éclaire dans une lumière qui m'accompagnera. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime. Il faut dire je t'aime. Et ce dimanche, qu'est-ce que nous allons faire ce dimanche? Oh, bon, on va se promener, bien sûr, mais on va où? Et si on allait danser à la Villette? Puisqu'on danse à la Villette ce dimanche, faut en profiter. Sous l'œil de la grande police, deux ombres dans l'ombre se glissent. La porte s'entr'ouvre d'un bond, s'échappe un air d'accordéon. On danse à la Villette, quand Paris s'est endormi. Au fond d'un bal musette, où tous les volets sont mis. Derrière, on y accepte que les amis des amis. On danse à la Villette chaque soir après minuit. Viens, ma gigolette, oublions nos ennuis. L'endroit n'est pas très respectable, pas beaucoup de fleurs sur les tables, mais on n'a pas besoin de mieux en valsant les yeux dans les yeux. Gigolette, oublions nos ennuis. Pourquoi donc se casser la tête, vouloir singer les gens honnêtes? Car même pour des galvaudeux, quand on s'aime et un fond d'eux, on danse à la Villette quand Paris s'est endormi. Au fond d'un bal musette, volets sont mis. Derrière, on y accepte que les amis des amis. On danse à la Villette chaque soir après minuit. Viens, ma gigolette, oublions nos ennuis. Eh bien oui, on ne danse plus à la Villette maintenant. Non, non, ça c'était dans les années, 44 que Mademoiselle Damien chantait cette merveilleuse chanson. On danse à la Villette. Thank you. Et bien maintenant, on va écouter Hubert et Sonia qui vont nous chanter « C'est le troisième âge ». Et c'est une dédicace, c'est pour l'anniversaire de Denise de la... comment dirais-je, de la chapelle à Vouvray, qui a eu son anniversaire cette semaine. Je crois que ça a été vendredi, le jour de la Sainte Marguerite. Alors on souhaite un bon anniversaire, avec un petit peu de retard, à Denise, et pour elle toute seule, eh bien cette merveilleuse chanson. Passe-t-il ici même? Que veut dire ce grand mouvement qui fait défiler tous les jours tant de gens? Que veut dire ce grand rassemblement? C'est le troisième âge. Ce sont des aînés qui se rassemblent avec tant de fierté. Ils sont toujours jeunes, ce sont des amis. Aussi ils chantent vive la séjour en Alsace. À pousser la joie rayonne, je compte pour plein d'entrains. Le soir, nous ne sommes jamais trop fatigués. Nous sommes toujours prêts pour danser. C'est le troisième âge. Ce sont des aînés qui se rassemblent avec tant de fierté. Ils sont toujours jeunes, ce sont des amis. Aussi ils chantent vive leur séjour en Alsace. Et nous avons qui sont toujours prêts, toujours de bonne humeur, et qui nous font rire de bon cœur. C'est le troisième âge, ce sont des aînés qui se rassemblent avec tant de fierté. Ils sont toujours jeunes, ce sont des amis. Aussi ils chantent vive la séjour en Alsace. La la. La la la la la la. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec votre précieux concours que Sonia et moi avons pu réaliser ce premier disque que nous vous dédions avec toute notre sympathie et notre amour. Merci. C'est le troisième âge, ce sont des aînés qui se rassemblent avec tant de fierté. Ils sont toujours jeunes, ce sont des amis. Aussi ils chantent vive leur séjour en Alsace. J'allais danser à Saint-Jean, aux Musettes. Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux, car on croit toujours au doux mot d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Et moi, qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Au parleur, chaque fois qu'il montait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Mais moi, qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un amour n'est qu'à l'heure. Je suis fou de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Mais moi, qui l'aimais tant, je la trouvais la plus belle de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Oh, non, pas non plus. Elle ne m'aime plus, c'est du passé, non, pas non plus. Elle ne m'aime plus, c'est du passé, non, pas non plus. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et bien sûr que vous êtes en compagnie de Michel, qui vous propose une heure de détente, une heure de bonne humeur. Et un autre anniversaire, c'est-à-dire la Sainte-Marguerite, c'était vendredi. Et bien la veille, le jeudi, c'était l'anniversaire de Gérard, le mari à Denise Bontron de La Chapelle. Alors on va souhaiter un bon anniversaire à Gérard également. Et Gérard adore Johnny Hallyday puisqu'il a été au régiment avec Johnny. Alors on va écouter Mon Pays, Johnny Hallyday. Et bon anniversaire à vous deux. Je viens d'un pays où j'ai choisi de naître, un bout de paradis que tu connais peut-être. Je viens d'un endroit sans drapeau ni frontière, une terre sans loi où personne ne se perd. Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour. Je suis né dans ses bras en même temps que toi, j'ai grandi sous ses doigts en même temps que toi. Je vais lui attendre, mon pays. tiens en même temps que toi. C'est même oublier ton nom pour ne penser qu'à son prénom. Quand on donne, on le fait toujours sans condition. Aimer, c'est dire oui quand le corps dit non. C'est oublier ses ambitions pour ne penser qu'à être doux, qu'à être bon. Aimer, ses caresses et ses cheveux, c'est l'embrasse et sur le front, c'est la tendresse qui a raison de la passion. Aimer, c'est toujours tenir sa main, quand les coups durs du destin viendront assombrir un jour son horizon. Aimer, c'est bien plus grand quand on se donne. Si on te fait mal, faut que tu pardonnes. L'amour, ça fait souvent pleurer. Aimer, c'est s'oublier pour celle qu'on aime. Tenter de régler ses problèmes. Être un ami à ses côtés. Aimer, c'est voir partir son enfant, garder ses larmes en dedans, même si ce départ nous donne des cheveux blancs. Aimer, c'est les nuits qu'on a passées à s'inquiéter pour la santé de cet amour que la vie nous avait donné. Aimer, c'est lui dire la vérité, même si ça la fait pleurer, car un jour c'est elle qui va te remercier. Aimer, c'est faire le petit déjeuner, c'est lavage et c'est dîner, et tout ça sans ne jamais rien demander. Pour moi, la femme aime souvent mieux que l'homme. Un homme reçoit plus qu'il ne donne. C'est pour ça qu'on est malheureux. Souvent, d'une rupture, on est la cause. On ne vit trop que pour la chose. Pour ne faire qu'un, faut être deux. Aimer, c'est bien plus grand quand on se donne. Si on te fait mal, faut que tu pardonnes. L'amour, ça fait souvent pleurer. Aimer, c'est s'oublier pour celle qu'on aime. Tenter de régler ses problèmes. Pour ne faire qu'un, faut être deux. Merci à André Sylvain de nous avoir interprété « Aimer », un morceau qu'il a composé. Et André Sylvain est un sympathique chanteur qui chante de très belles chansons qui nous vient du Canada. Oh, voilà notre ami Roland Madiane. Alors Roland, est-ce que tu aimes toujours autant ta femme ? Roland, dis-moi, tu es marié depuis combien de temps ? 20 ans. C'est toujours aussi idyllique ? Ah oui. Je jure, c'est avec ma femme, ça fait 20 ans qu'on est mariés, 20 ans. Et je suis toujours aussi attentionné avec elle, je te jure. Je fais tout pour lui faire plaisir. Je déconne comme ça, mais je fais tout pour lui faire plaisir. L'autre jour, elle voit une bague dans un magazine. Elle me dit, oh, j'aimerais bien la voir. J'ai arraché la page. J'ai dit, ben, prends-la. Mais il faut être gentil avec les femmes. Si, il faut être gentil avec les femmes. Et puis, ce qui est bien avec la mienne, c'est qu'on s'engueule jamais. Je te jure, jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais. Alors nous, on la combine. Quand on s'engueule, en fait, on se parle plus. On se laisse des mots. Ça peut durer 15 jours. On se laisse des mots pendant 15 jours. Un soir, elle me laisse un mot sur la table de nuit. Réveille-moi demain à 7h du matin. Le lendemain, j'ai laissé un mot sur la table de nuit. Debout, il est 7h. Non, mais je déconne, mais je peux te dire qu'après 20 ans de mariage, on s'engueule, mais alors on s'engueule fort. Hein, c'est... Ah bah oui, 20 ans après, un couple, c'est plus comme au début. Hein. Non, si, un couple, c'est plus comme au début, 20 ans après. Attends, me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Hein. Mais 20 ans après, disons que un couple, c'est pas moins bien, mais disons que c'est différent. Si, c'est différent, 20 ans après, quand même. Au début, quand tu t'endors dans le lit, c'est... Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit, mon mini-nounou, amour. 20 ans après, c'est... T'as fermé le verrou. Je sais pas, je vais voir. 20 ans après. Au début, quand ta femme, elle t'arrache le jean, bon, c'est pour faire l'amour. 20 ans après, quand elle t'arrache le jean, c'est pour le foutre dans la machine. Hein. 20 ans après, c'est pas moins bien, c'est... Mais bien sûr. Mais moi, au début, quand tu pars en voyage à Venise avec ta femme, 20 ans après, tu pars à Lourdes avec elle. Et là, il n'y a pas de miracle, hein, tu reviens avec. Hein. 20 ans après, c'est pas moins bien, c'est différent. Mais bien sûr. Nous, les mecs, on ronfle. Bon, ta nouvelle compagne, celle qui passe la première nuit avec toi, la première nuit, elle dit rien, elle dit rien. Toi, tu t'éclates. Et elle dit rien. Elle est assise dans le lit, ça. À 2h du matin, avec les yeux comme ça. Elle pouvait même pas imaginer que ça existe, des ronflements pareils. Elle avait entendu les mêmes une fois à la télévision. Un reportage sur les grizzlies. Tu sais. À 5h du matin, la pauvre fille, elle en peut plus. Bah pourquoi tu siffles? Je siffle parce que tu respires un peu fort. 20 ans après, c'est plus la même. Au moindre frémissement de narine, tu te prends un coup dans les côtes. Putain, mais t'es con, mais pourquoi tu me fous des coups en pleine nuit? Parce que tu ronfles, tu vas te faire péter le cerveau! Mais c'est pas pour ça qu'il faut me péter les côtes! Et là, tu dis, c'est pas grave, j'en profite pour les pisser. Alors ça aussi, au début. Tu vas où, mon petit doudou? Je vais faire un joli pipi d'amour. Alors j'espère que je t'ai pas réveillé. Si, tu m'as réveillé, mais ça n'a aucune importance. Je déteste dormir d'une seule traite. Ça me sépare trop longtemps de toi. Celle-là, tu dis, il faut que je l'épouse. 20 ans après, c'est plus la même. Qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure-là? Je vais pisser. Je pisse quand je veux, où je veux, il est où, le lavabo. Ah, 20 ans après, le langage a changé. Et attends, et ça, c'est 20 ans après. Mais tu peux imaginer 30, 40, 50, 60 ans après. Qu'est-ce que tu fous encore debout à cette heure-là? Qu'est-ce que tu fous encore debout à cette heure-là? Y a quelqu'un? Il est devenu sourd, le con. Qu'est-ce que tu fous encore debout à cette heure-là? Je cherche mes dents. Comment? Je cherche mes dents. Comment? Eh hey, merde! Mais fais-toi déboucher les oreilles! Tu ne cherchais pas tes dents par hasard? Si! C'est moi qui les ai! Elles me vont bien! Mais t'as pris le haut ou le bas? J'ai pris les deux! Mais pourquoi tu cherches tes dents? Pour manger! Profites-en pour aller pisser! Thank you. vous aimez l'accordéon ? Eh bien, tous les dimanches, de 9h à 10h, je vous propose Accordéon Parade. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. Une émission 100% musette sur la bande FM. Et c'est pour les mordus du dépliant. Alors, le rendez-vous est pris sur les 91 MHz de Sorgi FM le mardi de 10h à 11h et le dimanche à partir de 9h. Et sur Internet avec Popcast. Allez, on va continuer les dédicaces. Souhaiter un bon anniversaire, un joyeux anniversaire à Jean-Paul. Et c'est de la part de sa fille, sa petite fille et de son épouse. Bon anniversaire à vous, Jean-Paul. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire. Eh oui, joyeux anniversaire à vous Jean-Paul, et puis bonne journée. Et puis une question que les enfants posent souvent, surtout en ce temps de fin d'année. Dis Père Noël, est-ce que tu reviens l'année prochaine ? Dis Père Noël, tu reviens l'année prochaine ? Bonjour Lisa, je vois que tu es très impatiente de retrouver le Père Noël. Oui. Alors c'est sûr, pour une gentille petite fille comme toi, il reviendra. Mais tu sais comment il revient le Père Noël ? En traîneau. Exactement, c'est comme ça qu'il revient pour faire des cadeaux aux petits-enfants. Au fait, tu as quel âge Lisa ? 5 ans. 5 ans déjà ? J'espère que tu as été très sage pour qu'il revienne l'année prochaine t'apporter tes cadeaux. Oui. Tiens, puisqu'on parle de cadeaux, qu'est-ce que tu as eu cette année pour Noël ? Une trottinette électrique et une sirène qui s'allume dans l'eau. Eh bien, si tu as eu tout ça, c'est que tu as été sage. Alors, le Père Noël, l'année prochaine, il reviendra. Il reviendra dans son traîneau pour t'apporter de beaux cadeaux. Il reviendra tout droit du ciel fêter le jour de Noël. Il reviendra comme tous les ans, lorsque dehors tout sera blanc. C'est juste avant l'année nouvelle, Noël. Au fait, Lisa, tu es partie en vacances cette année ? Oui. Et tu es partie où ? À l'océan, avec mes parents et mes grands-parents. Et après, tu es partie où ? La mer. Maman et papou, il y avait des châteaux gonflables. Des châteaux gonflables ? Mais c'est génial. Et là-bas, tu as été sage ? Oui. Alors, Noël vient de se passer, alors il faudra encore être un peu patient. Tu sais où est-ce qu'il est reparti, le Père Noël ? Il repart au pôle Nord. Exactement, Lisa, il repart au pôle Nord. Et il reviendra l'année prochaine. Avec tous les cadeaux ? C'est sûr, il reviendra avec tous les cadeaux. Il reviendra dans son traîneau pour t'apporter de beaux cadeaux. Il reviendra tout droit du ciel fêter le jour de Noël. Il reviendra comme tous les ans, lorsque dehors tout sera blanc. C'est juste avant l'année nouvelle, Noël. Prochaine. Au revoir, Père Noël. C'est la famille Angèle qui vient nous présenter l'espiègle coucou. Je vais dire la légende de celui qui s'est enfui et fait les oiseaux des Andes se taire au cœur de la nuit. Le ciel était de velours, incompréhensiblement. Le soir tombe et les beaux jours meurent, on ne sait comment. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Lorsque la musique est belle, tous les hommes sont égaux, et l'injustice rebelle, Paris ou Santiago, nous parlons même langage, et le même chant nous lie. Une cage est une cage, en France comme au Chili. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Sous le fouet de la famine, terre, terre des volcans, le gendarme te domine, mon vieux pays arrogant. Pays double où peuvent vivre des lièvres et des pumas, triste et beau comme le cuivre au désert d'Atacama. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Avec tes forêts de hêtres, tes myrtes méridionaux, oh mon pays de salpêtre, d'arsenic et de guano, mon pays contradictoire, jamais libre ni conquis, verras-tu sur ton histoire planer l'aigle des Yankees. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Absent et présent ensemble, invisible mais trahi, Neruda, que tu ressembles à ton malheureux pays. Ta résidence est la terre et le ciel en même temps, silencieux, solitaire et dans la foule chantant. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Comment croire j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. C'était Jean Ferrat. Merci à Jean Ferrat. Il y a, au début de l'émission, enfin, dans Accordéon Parade, je vous ai passé la fille de... Enfin, non, je ne vous ai pas passé. Je vous ai fait écouter Marius David. Marius David, sympathique accordéoniste, qui était à Annemasse. Eh bien, maintenant, nous allons écouter David, Paul David, qui va nous interpréter une fille de Paris. Paul David. Toi et moi, on s'est reconnus quand j'ai croisé ton chemin juste au petit matin. Dis-moi, tu t'en souviens? Toi, tu partais pour ton tourbain, moi, j'avais terminé le mien. Et dans le bistrot de ce vieux quartier, nous avons pris un dernier verre. Et dans ce bistrot où, sans t'en douter, tu as mis mon cœur en bandoulière. Tu parlais, je t'écoutais, le temps, les heures passaient, j'étais si bien, tu sais. À l'heure où le jour déjà se levait sur un amour qui commençait, le vieux Montmartre déjà s'éveillait. Quelques pétards dans la rue traînaient. Tu t'es rapproché, tu as pris ma main. Dis-moi, tu t'en souviens? Mon regard s'accrochait à tes yeux. Ah, c'était beau, c'était merveilleux. Et quand t'as pas la plus jolie, mais puisque ça te suffit, à quoi bon m'en demander plus? Toi et moi on s'est reconnus. Les jours, les mois ont passé, pensant te retrouver. Souvent je suis allée rôder près de ce vieux café. Mais pourquoi donc serais-je entrée? Car dans le bistrot de ce vieux quartier, tu n'y es plus, qui régifère. Et dans ce bistrot où, sans t'en douter, tu as mis mon cœur en bandoulière. Moi, je suis une fille de Paname, née sur le macadam, pas loin de Notre-Dame. On a cru s'être reconnus, on est restés des inconnus. Ça commence avec toi. je vais être jaloux. Et c'est avec ces deux sympathiques accordonistes franche-comtois, François et Michael, qu'on va se quitter ce jour. Je pense que vous avez passé un agréable moment à ma compagnie. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon dimanche et un bon mardi, puisque l'émission est rediffusée mardi. Et bye bye, à bientôt.